Bhagavad Gita, chant 13. Le chant est le connaisseur du chant. Arjuna dit « Cher Krishna, je souhaite connaître ce que sont la matière ou Prakriti et l'esprit, le Purusha, et aussi le chant et le connaisseur du chant, la connaissance et ce qui doit être connu. » Le Seigneur suprême dit « Ce corps, cher Arjuna, est appelé le chant, et celui qui l'expérimente est appelé le connaisseur du chant par ceux qui les connaissent tous deux, c'est-à-dire les sages. Sache que je suis le connaisseur du chant dans tous les chants, cher Arjuna. La connaissance du chant et du connaisseur du chant est, selon moi, la véritable connaissance. Entends brièvement de moi ce qu'est le chant, quelle est sa nature, quelles sont ses modifications, d'où il vient. Apprends aussi qui est le connaisseur et quels sont ses pouvoirs. Les sages ont chanté cette connaissance de multiples façons, par divers hymnes évoquant Brahman, par des vers inspirants, pleins de logique et convaincants. Les grands éléments, le sens de l'ego, l'intellect et aussi la nature non manifestée, les 10 organes d'essence et le mental, les 5 objets d'essence, le désir, la haine, le plaisir, la souffrance, le corps, l'intelligence, la persévérance. Voilà brièvement décrit ce chant avec ses modifications. L'humilité, l'absence de prétention, la non-violence, le pardon, la droiture, le service rendu au maître, la pureté, la patience, la maîtrise de soi, l'indifférence aux objets des sens, l'absence d'égoïsme, la réflexion sur les mots propres à la naissance, à la mort, à la vieillesse, à la maladie, à la douleur, le non-attachement, la non-identification du soi avec enfant, femme, foyer et le reste, l'équanimité constante au milieu des situations favorables et défavorables, une dévotion infaillible envers moi par une concentration exclusive, l'attrait pour les lieux solitaires, la répugnance pour les endroits fréquentés par les foules, la persévérance dans la connaissance du soi, la compréhension du but de la vraie connaissance, telle est la connaissance, dont le contraire est l'ignorance. Je vais t'enseigner ce qui doit être connu et qui, étant connu, permet d'atteindre l'immortalité, le suprême Brahman, sans commencement, que l'on ne peut appeler ni l'être, ni le non-être. Ayant des mains et des pieds en tout lieu, des yeux, des têtes et des bouches de toutes parts, des oreilles partout, il existe dans le monde, enveloppant, pénétrant tout. « resplendissante à travers les fonctions de tous les sens, il est pourtant dépourvu de leurs attributs. Détaché, il est pourtant le support de tout. Dépourvu d'attributs, de gunas, pourtant il les expérimente. À la fois extérieur et intérieur à tous les êtres, immobile et mobile, incompréhensible à cause de sa subtilité, très proche et très lointain, tel est cela. Indivisible, il existe pourtant comme s'il était divisé entre tous les êtres. Il doit être connu comme le support de toutes les créatures. Il les dévore et les crée à nouveau. On dit de cela, lumière de toutes les lumières, qu'il est au-delà de l'obscurité. Il est la connaissance et l'objet de la connaissance. Il a son siège dans tous les cœurs et il est réalisé par la connaissance. Ainsi, le champ, la connaissance et l'objet de la connaissance ont été brièvement décrits. Sachant cela, mon dévot réalise mon être. Sache que la matière et l'esprit sont tous deux sans début. Sache aussi que toutes les modifications et les qualités sont nées de la matière. Dans la production de l'effet et de la cause, la matière est dite être la cause. Dans l'expérience du plaisir et de la douleur, l'esprit est dit être la cause. L'esprit, siégeant dans la matière, expérimente les modalités nées de la matière, les gunas. L'attachement aux modalités est la cause de la naissance en de bonnes ou en de mauvaises matrices. L'Esprit suprême, le Purusha, dans ce corps, est aussi appelé le spectateur, celui qui permet, celui qui est le support, celui qui expérimente, le grand Seigneur et le Soi suprême. Celui qui connaît l'Esprit, le Purusha, la nature, Prakriti, et les qualités, gunas, quel que soit son mode de vie, n'a plus à renaître. Certains, par la méditation, voient le soi dans le soi, par le soi. D'autres le voient par le yoga de la connaissance, et d'autres encore par le karma yoga. D'autres, ignorant tout cela, adorent le Suprême selon ce qu'ils ont entendu. Ils vont aussi au-delà de la mort s'ils considèrent ce qu'ils ont entendu comme le refuge suprême. Ô cher Arjuna, sache que tout ce qui naît, l'inerte comme l'animé, est le fruit de l'union entre le champ et le connaisseur du champ. Il voit juste celui qui voit le Seigneur suprême existant de la même façon en tous les êtres, l'impérissable au cœur du périssable. Vraiment, celui qui voit le Seigneur présent partout de façon égale ne détruit pas le soi par le soi, et par conséquent, il atteint le but suprême. Il voit juste celui qui voit que toutes les actions sont effectuées par la nature seule, et que le soi est sans action. Lorsqu'un homme voit la variété des êtres reposer dans l'unique et émerger de cette réalité seule, il devient Brahman. N'ayant pas de commencement, dépourvu d'attributs, le soi suprême, l'impérissable, bien que résidant dans le corps, cher Arjuna, n'agit pas et n'est pas affecté. L'espace omniprésent n'est pas affecté du fait de sa subtilité. De même, le soi, siégeant partout dans le corps, n'est pas affecté. De même que l'unique soleil illumine notre monde entier, le Seigneur du champ, Paramatman, illumine la totalité du champ, cher Arjuna. Ceux qui, avec l'œil de la sagesse, perçoivent la distinction entre le champ et le connaisseur du champ, ainsi que la délivrance des êtres des liens de la nature, atteignent le suprême. Ainsi, dans les Upanishads de la glorieuse Bhagavad Gita, dans la science de l'éternel, dans les écritures du yoga, dans le dialogue entre Sri Krishna et Arjuna, prend fin le 13e enseignement intitulé « Le yoga de la distinction entre le champ et le connaisseur du champ ».